inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non. Truc de dingue, truc de malade, psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Hey. Non pas Saran. Grève générale. Et rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au fond près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission Au fond près du radiateur, tous les mardis de 19h à 20h30 en direct sur FPP 106.3. Avec Raphaël à la technique, Mouloud, Moustapha. Bonsoir. On a des invités aussi du collectif Paris Ayotzinapa. On a Maria, Margot, Camilla et José. Bienvenue à vous. Ce soir, on va aborder deux sujets. Le collectif Ayotzinapa qui va nous parler des disparitions et des morts, on peut dire ça aussi, qui a eu lieu au Mexique, notamment en 2014 par la disparition de plus de 43 étudiants, voire 49, il me semble. Et on va parler aussi du salon de l'armement, Eurosatory, qui a lieu en ce moment à Villepinte. Raphaël, tu nous enchaînes une pause musicale. Merci. Donc, comme il y a un petit blanc, on peut enchaîner par des bonjours à tout le monde. Bonjour. Salut, toi, c'est Margot, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. José. Oui, c'est ça, bonjour. Tu es étudiant originaire du Mexique. Oui, je viens du Mexique. D'accord. Toi, c'est Camilla. Oui. Enchantée. Tu es solidaire comme Margot au niveau des étudiants et tu t'es fondée dans ce collectif Paris. J'ai du mal avec le nom Ayotzinapa. Oui, c'est ça. Oui. Et toi, Maria, il me semble que Maria, elle est là. Tu es étudiante mexicaine aussi, d'origine mexicaine et installée en France. Ok. Pour le son, c'est bon, Raph? Ouais. Bon, on va lancer la pause musicale. Merci. First car in small letters, it said, all you see is, and then, you know, big, big, you know, black silver letters, it said, crime in the city, right? It just took up the whole car. Yeah, it was a whole car and shit, then it was a, you know. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela. The new moon rode high in the crown of the metropolis, shining like who on top of this? People was tussling, arguing and bustling. Gangsters of Gotham, hardcore hustling. I'm wrestling with words and ideas. My ears is pricked, seeking what will transmit. The scribes can apply the transcript. Yo, this ain't no time where the usual is suitable. Tonight alive, let's describe the inscrutable, the indisputable. We New York, the narcotics. Draped in metal and fiber optics. We're mercenaries is paid to trade hot stock tips for profits. Thirsty criminals, dick pockets. Hard knuckles on the second hands of working class watches. Skyscrapers is colossus. The cost of living is preposterous. Stay alive, you pay or die, no options. No Batman and Robin. Can't tell between the cops and the robbers. Both partners, they all heartless, with no conscience. Back streets stay darkened, while unbelieving hearts stay hardened. My ego talent stay sharpened, like city lights stay throbbing. You either make a way or stay sobbing. The shiny apple is bruised but sweetened. If you choose to eat, you could lose your teeth. Many crews retreat, nightly news repeat. Who got shot down the lockdown? Spotlight the savages, NASDAQ averages. My narrative grows to explain its existence amidst the harbor lights which remain in the distance. So much on my mind that I can't recline. Blast the holes in the night till she blends sunshine. Breathe in, inhale vapors from bright stars that shine. Breathe out, we smoke, retrace the skyline. Heard the bass ride out like an ancient maiden call. I can't take it, y'all. I can feel the city breathing, chest heaving against the flesh of the evening. Sigh before it died like the last train leaving. Breathing in deep city breaths, sitting on shitty steps, we stoop to new lows. Hell froze the night the city slept. The beast crept through concrete jungles, communicating with one another. And ghetto birds were waters for from the hydrants to the gutters. The beast walked the beats, but the beats we be making. You on the wrong side of the track, looking visibly shaken, taking in plungers. Plunging to death that's painted by the numbers, we crawl on apply pressure. Cats is playing God, but having children by a lesser baby mother. But fuck it, we played against each other like puppets. Swearing you got pull when the only pull you got is the wool over your eyes. Getting knowledge in jail like a blessing in disguise. Look in the skies for God, what you see besides the smog is broken dreams flying away in the wings of the obscene. Thoughts that people put in the air, places where you could get murdered over a glare. But everything is fair, it's a paradox we call reality. So keeping it real will make you a casualty of abnormal normality. Killers born naturally like Mickey and Mallory. Not knowing the ways will get you capped like an NBA salary. So cats BMC and to illustrate what we be seeing. Hard to be a spiritual being when shit is shaking what you believe in. The trees to grow in Brooklyn, seeds need to be planted. I'm asking if y'all feel me and the crowd left me stranded. My blood pressure boiled and rose. These New York niggas act to spoil their shows. To the winners the spoils go. I take the L, transfer to the 2, head to the gates. New York life type trife, the Roman Empire State. So much on my mind, I just can't recline. Blast the holes in the night till she blends sunshine. Breathe in, inhale vapors from bright stars that shine. Breathe out. Green smoke, retrace the skyline. Yo, dump the bass ride out like an ancient mating call. I can't take it, y'all. I can feel the city breathing, chest heaving against the flesh of the evening. Sigh before it died like the last train leaving. Yo, on the amen. Corner I stood looking at my former hood. Felt his spirit in the wind. Knew my friend was gone for good. Through dirt on the casket, the hurt I couldn't mask it. Mixing down emotions, struggle I hadn't mastered. I choreographed 7 steps to heaven. Inhale, waiting to exhale and make the bread leaven. Veteran of a Cold War, it's a guy I go for. What I know or what's known. So some days I take the bus home, just to touch home. From the crib I spend months gone. Sat by the window with a clutch stone, listening to shorties cuss long. Young girls with weak minds, but they butt strong. Tried to call or at least speak the Lord, but didn't have a touchstone. It's a dog and dog world, you got a must own. Some of this land I must own. Out of the city, they want us gone. Tearing down the jacks, creating plush homes. My circumstances between Cabrini and Love Jones. Surrounded by hate, yet I love home. Asked my guy how he thought traveling the world sound. Found it hard to imagine he hadn't been past downtown. It's deep, I heard the city breathing asleep. A reality I touched, but for me it's hard to keep. It's deep, I heard my man breathing asleep. A reality I touch, but for me it's hard to keep. So much on my mind, I just can't recline. Blast the holes in the night till she bless sunshine. Breathe in, inhale vapors from bright stars to shine. Breathe out, we smoke, retrace the skyline. You heard the bass ride out like an ancient maiden call. I can't take it, y'all. I can feel the city breathing, chest heaving against the flesh of the evening. Kiss the eyes goodbye, I'm on the last train leaving. Toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, c'est l'émission au fond près du radiateur. On vient d'écouter un son du groupe Black Star, donc avec Talib Kweli et Mos Def. Et on est toujours avec le collectif Paris Ayotzinapa jusqu'à 20h30 et on va parler du salon de l'armement Eurosatory et du collectif Paris Ayotzinapa. Je vous laisse la parole. Bonsoir à vous. Bonsoir. Du coup, c'est quoi le collectif Paris Ayotzinapa et qu'est-ce que c'est Ayotzinapa? Alors, Ayotzinapa, c'est une petite ville du Mexique où se trouve une école normale rurale. Donc, c'est une école qui forme des étudiants issus des milieux ruraux qui deviendront professeurs dans les milieux ruraux. Voilà, et donc c'est une école assez combative aussi. Une école de hautes études, en fait, pas une école primaire ou maternelle ou... D'accord. Non, c'est pas une école de hautes études parce que c'est quand même c'est technique, assez technique. Et, c'est une formation pour être prof, tout, en fait, il y a une partie théorique et une partie... c'est pas coupé des travaux des champs, par exemple, il y a toute une partie... D'éducation populaire aussi. Mais c'est aussi des autres études, l'éducation populaire, et le côté rural aussi. Oui. Mais je voulais dire par là, c'était pour des adultes, pas pour des enfants petits, c'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait. Ils ont entre moyenne 18 ans, quoi. Enfin, non, vous me dites. Du coup, c'est une localité au Mexique. Elle se situe dans quel endroit au Mexique? Alors, c'est dans l'état de Guerrero. Guerrero, qui est vers où, pour situer vite fait mentalement? C'est près du sud-ouest, près d'Acapulco, qui est une destination touristique assez connue, donc pour se repérer. C'est un milieu où il y a beaucoup de problèmes avec la guerre contre les drogues, parce qu'en fait, on doit comprendre que c'est tout un projet de précarisation de l'agriculture, et donc il y a plein de personnes là qui sont en train de faire pousser de l'amapole, etc. Aussi très problématique pour la question minière. Donc, de la quoi, tu disais? Ah, du pavot ? Du pavot. D'accord. Du pavot et du cannabis. Mais effectivement, c'est une zone de transit, en fait, des cartels qui sont obligés de passer par Iguala. Du coup, c'est un lieu qui est... La plaza, comme on dit, est très disputée par les différents cartels. Quand vous dites les cartels, c'est les cartels d'Amérique centrale, du Mexique, notamment, pas de l'extérieur, ou de l'extérieur aussi ? Non, les Mexicains. Les Mexicains, entre autres. Ils sont assez puissants. Ouais. D'accord. Et pourquoi ce collectif ? Et donc le collectif, il s'est formé suite à la disparition des 43 étudiants. En 2014, c'est ça ? En 2014, voilà, ça s'est passé le 26 septembre 2014. Les étudiants de l'école dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, les étudiants en question ont disparu. Et on reviendra peut-être après sur la disparition. Mais en tout cas, ce collectif, il s'est formé en réaction à cette disparition. Et donc ça a été une réaction spontanée, en fait, de la population. Personnes ici à Paris qui se sont senties concernées par ce qui s'était passé et qui sont sorties dans la rue et qui se sont rencontrées donc, dans les manifestations, dans les rassemblements qu'il y a eu en face de l'ambassade mexicaine suite à cette disparition et qui ont décidé de s'organiser ensemble. Et j'imagine au Mexique aussi, il y a eu pas mal de mobilisations ou des familles de victimes ou de disparus qui ont essayé de faire des choses ou pas? Oui, carrément. Moi, j'étais dans ce moment-là au Mexique et en fait, dès le début, c'était une critique assez forte. On était dans la rue et chaque mois, on faisait des manifestations avec les parents. Et en fait, les parents ont reçu plein d'aide des organisations des droits de l'homme qui, toujours encore, essayent de faire des pressions contre le gouvernement pour... avoir une réponse à cette disparition. Ouais, j'ai vu les rapports du CDHC d'Amérique, en fait, qui est très clairement pas du tout sur la ligne du gouvernement mexicain. Après, le Mexique, c'est quand même un pays assez compliqué, avec une autorité en fait, qui est assez arbitraire, assez abusive. C'est pas la première fois qu'il y a eu des disparus dans cette localité-là, il me semble. Il me semble quand il y a eu cette déclaration et cette mobilisation autour de ces 43 étudiants, pas mal de familles, en fait, ont déclaré des gens qui étaient disparus depuis 2 ans, 3 ans, voire plus auparavant, c'est ça ? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que les premières années de la lutte contre le narcotrafic, qui a commencé il y a 10 ans, ont été effectivement plutôt démobilisatrices sur la société mexicaine. Du coup, la disparition des 43 a fait surgir plein d'histoires dans l'ensemble du pays, de gens qui, en fait, avaient des proches disparus. Et effectivement, ça a été massif. Et dans le cas du Guerrero, par exemple, il y a ce collectif Los Otros Desaparecidos, dont les disparitions venaient toutes d'avant 2014, quasiment, et qui ont commencé à se mobiliser. En voyant les parents des 43 se mobiliser, ils ont eu du courage et ils ont commencé à se mobiliser eux aussi et à chercher des fosses. Et donc ça s'est démultiplié au fil des ans dans tout le pays, avec des brigades de recherche de disparus, de fosses clandestines... Mais du coup, il y a quelque chose, en fait, de l'extérieur. Quand on pose le tableau, on entend beaucoup parler des cartels, des narcotrafiquants, ok. On en parlait du gouvernement, ok, il n'y a pas de problème. On en parlait de disparition, 43 disparus, on se croirait dans une série de science-fiction fantastique à part, où d'un seul coup, t'as 43 étudiants qui disparaissent comme ça fait... Ça fait flipper un petit peu, ouais. Puis ça paraît bizarre quand on ne connaît pas la situation au Mexique. En fait, ils ont disparu dans un contexte. Alors, donc de Ayotzinapa, ils sont partis à Iguala, qui est quand même à 2-3 heures. L'objectif, c'était de réquisitionner des bus pour pouvoir aller à Mexico pour la commémoration du 2 octobre 68. Donc, le 2 octobre 68, il y a eu un massacre des étudiants sur la place des Trois Cultures, Tlatelolco. Donc il y avait une mobilisation des étudiants importante, un peu à l'image du mai 68 en France, quelque part. À peu près dans le même contexte. Voilà, c'était le même contexte. En plus, c'était à la veille des Jeux Olympiques qui avaient lieu au Mexique. Et donc là, il y a eu un massacre. Pendant le meeting, il y a les tireurs d'élite, l'armée était là, ils ont tiré dans le tas. Il y a eu plus de 300 personnes assassinées. Au Mexique, voilà. Et donc tous les ans au Mexique, il y a une commémoration le 2 octobre. Et donc les étudiants se préparaient pour cette commémoration-là. Et l'objectif, c'était de s'organiser entre écoles rurales. Entre écoles normales rurales, de prendre les bus et d'y aller collectivement, d'aller ensemble à Mexico avec ces bus réquisitionnés. Donc. Du coup, les 43 étudiants, ils sont partis à Guerra, je ne sais plus comment dire le nom de la ville. Iguala. À Iguala, oui. Ils sont partis là-bas pour réquisitionner les bus. Et en fait, c'est au moment de la réquisition des bus, sur les 5 bus, il y a eu en fait... le jour où ils sont allés à Iguala, il y avait aussi un meeting organisé par le maire. Et sa femme, José Luis Abarca. Et du coup, il y a une opération de répression, en fait. Ils sont passés par le centre près du meeting. Voilà. Et à ce moment-là, du coup, il y a eu des attaques à balles réelles, clairement. Quand vous dites qu'il y a eu des attaques à balles réelles, c'est de la part de narcotrafiquants ou de policiers? C'est de ça tout l'enjeu. Ou de l'armée? Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, tu disais d'un côté les narcotrafics et de l'autre côté l'État, mais en fait, c'est la même chose. Cet enlèvement forcé et cette attaque montrent qu'ils s'opèrent dans les mêmes objectifs, dans les mêmes buts, et ils s'opèrent en fait en absolue coopération. Quoi. Oui, pardon, si je peux ajouter une précision. Parce qu'on parle de disparition, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, comme tu dis, disparu dans la nature. Mais en fait, il s'agit bien d'un truc précis. On parle de la disparition forcée. C'est un délit typifié en tant que tel. Et il s'agit, c'est lorsque les forces de l'ordre, que ce soit la police ou des agents, tant qu'ils agissent au nom de l'État et qu'ils participent dans la disparition des personnes, voilà. Donc, nous sommes dans un cas flagrant de disparition forcée, ce qui est un crime d'État. Voilà. Et donc, ce n'était pas 43 étudiants. C'était plein. On n'en sait pas ce qu'ils ont devenu 43. En fait, juste, le cas d'Ayotzinapa, c'est devenu un peu un cas emblématique au Mexique, parce que ça a bien montré effectivement la collusion entre le crime organisé et l'État. Ouais. Ce qui n'était pas le cas, c'était pas démontré clairement. Du coup, les revendications des parents des 43 étudiants, c'est clairement, c'était l'État. Et donc, c'est pas de dire que c'était juste des cartels de la drogue qui ont fait disparaître les 43 étudiants, comme l'a dit la version officielle. Donc, tout l'enjeu, justement, et notamment dans le collectif, on est tous très, très à cheval sur cette question, c'est que pour nous, il s'agit d'une violence d'État. Et on sait aujourd'hui qu'il y avait sur place les forces de la police rurale, de la police locale, de la police fédérale et de l'armée. Et donc, c'est qu'après qu'ils auraient peut-être, mais on n'est même pas sûr, traité avec les narcotrafiquants qui s'appellent les Guerriers Unis. Et même aujourd'hui, cette version est remise en question parce qu'il paraît... Le cas est en train de se rouvrir, là. Il y a une commission de vérité qui va se créer. Et il paraît que même ces guerriers unis auraient été torturés pour confesser. Voilà. Donc tout ça fait que c'est un gros brouhaha actuellement, le cas Ayotzinapa. Et en même temps, c'est l'exemple le plus emblématique de ce croisement entre la violence d'État et la violence du narcotrafic. Juste pour un petit peu plus comprendre, le Mexique, c'est quoi exactement comme pays? Comment ça se passe la vie là-bas au niveau politique, au niveau du pays? Juste si vous pouvez nous en parler un petit peu, que ça nous éclaire. La question... Ce que je vois du Mexique, c'est Coca-Cola tout le temps. En fait, le Mexique, ce qui est important pour nous, c'est que le Mexique, c'est d'abord un pays vraiment inégal. Et donc, c'est très clair, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a des zones ruraux qui sont complètement délaissés par les gouvernements depuis la signature du traité de libre commerce en 1994. Et donc, aussi, c'est un pays... je t'ai dit que les problèmes, bien sûr, parce que c'est pour ça qu'on est ici. Les accords de libre-échange dont tu parles, c'est ceux de l'AELE entre le Canada et les États-Unis. Exactement, c'est ça. Et donc, à partir de ça, il y a une chute absolue des prix de l'agriculture mexicaine. Et donc, c'est pour ça qu'on peut parler vraiment d'un délaissement de l'État. Tu veux dire que depuis 1994, à peu près, depuis ces accords-là, en fait, le prix de revient ou le prix à quoi revenait à un paysan mexicain ou un rural mexicain à produire ou de l'alimentation ou autre chose, de l'artisanat ou quoi, est tellement bas qu'il n'arrive pas à subvenir à ses besoins. C'est ça ? Il n'arrive pas à vendre assez gros pour subvenir à ses besoins. Et à cause d'une concurrence déloyale des États-Unis ou du c'est Canada ça. Ou à cause, surtout à cause d'une concurrence déloyale ? Oui, c'est les dumpings. Il y a plein de subsides, des délais. D'où cette association que j'ai dans ma tête entre Coca et le Mexique. C'est vrai que Coca, c'est super implanté. Non, mais concrètement, c'est super implanté. Tu vas dans n'importe, carrément. Route, tu vas dans n'importe quel endroit, tac, Coca-Cola. C'est même moins cher que l'eau locale. Carrément, et il y a aussi dans ces traités aussi les débuts de toute l'exploitation de la minerie des États-Unis, qui est vraiment grave dans cette région de Guerrero, et où aussi on sait que les portes, par exemple, où l'exportation des minérales se passe, sont dominées par les narcos. Et donc, c'est-à-dire que les entreprises sont en train de faire partir de cette collusion entre l'État, les entreprises extractivistes néocoloniales et la production des drogues. Du coup, c'est la situation au Mexique actuelle. Tu as une espèce de gros cartel, enfin, plusieurs cartels de narcotrafiquants, qui est une espèce de façade assez visible sur la rue, j'imagine, c'est ça. Il y a l'État mexicain qui est assez fort et qui impose des entreprises et qui dérégule, j'imagine, délégifère un petit peu sur les droits des gens, sur l'eau, sur la propriété, sur pas mal de choses, plus les entreprises étrangères, c'est ça ? C'est ça. Et en plus, effectivement, les frontières sont floues entre tous ces groupes, quoi. C'est-à-dire qu'il y a notamment des narcotrafiquants qui sont d'anciens militaires, comme les Zetas, qui ont été en Amérique centrale, notamment les Caibiles, là, qui étaient les corps d'élite au Guatemala, pendant la guerre au Guatemala. Il y a les narcotrafiquants qui sont, en fait, il y a des vidéos qu'on peut trouver en ligne qui sont assez incroyables, où on peut voir des narcotrafiquants qui se montrent en homme d'affaires. Il y en a un qui s'appelle la Tuta, des Chevaliers Templiers, et qui est génial parce qu'il a une capacité à se vendre. Grâce à lui, le PIB du Mexique augmente, le narcotrafic est un mal nécessaire pour augmenter le PIB du pays, le commerce, les affaires avec la Chine, enfin, vous voyez. Et donc, ils ont diversifié leurs activités. C'est ça que je veux dire, c'est que les narcotrafiquants eux-mêmes monopolisent des trafics aujourd'hui légaux et ils blanchissent leur argent. Enfin, bon, c'est une tendance générale pour le PIB, en fait. Tu as beaucoup de gouvernements et beaucoup d'États qui essaient d'intégrer le marché noir et la criminalité dans leur PIB à eux pour le remonter un petit peu. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, à partir du début de la guerre contre les drogues en 2006, que c'est un moment où on décide d'utiliser l'armée pour faire des questions de la police, la violence devient productive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement des cartels qui sont en train de pousser la drogue et de vendre la drogue aux États-Unis, mais qu'il y a des cartels qui profitent du fait qu'il y a une violence extrême pour aller chez toi et pour te demander de l'argent, ou sinon ils vont enlever tes enfants. Et donc c'est vraiment l'idée de lutter contre la criminalité ou contre la violence à partir de cette stratégie, en fait, a produit les résultats inverses, qui c'est une croissance de la peur, de la possibilité de croire que les criminels vont te faire quelque chose parce qu'en fait, ils vont les faire. Quoi. Du coup, en fait, tu as différents types de cartels. Tu as celui qui s'occupe de la drogue, ouais, carrément, de l'acheminement, de la logistique. Tu as ceux qui font du racket à domicile. Ouais. Tu as ceux, j'imagine, qui font du racket à des commerçants en prenant des taxes ou je ne sais quoi. J'imagine aussi des routes qui sont taxées ou genre de délire. Enfin, ils font tous un peu ça. C'est-à-dire que c'est plutôt qu'au sein de chaque cartel, il y a tout ça. C'est une grande entreprise, en fait. Chaque cartel a son système avec plusieurs secteurs d'activité, hiérarchie, avec plusieurs spécialités au sein de l'entreprise. Et on avait aussi pas mal d'hommes politiques mexicains qui étaient aussi des anciens de grandes entreprises américaines, notamment des États-Unis, en fait, dont Coca. Voilà, Fox, qui a été président, qui était l'ex-directeur de Coca-Cola au Mexique. Ouais. Ce qui explique pourquoi l'accès à l'eau potable est très compliqué au Mexique, vu que Coca a un libre accès total. En fait. De toute façon, l'eau, il y a une partie de l'eau qui appartient à Coca-Cola. Parce qu'on avait fait une émission il n'y a pas longtemps, en fait, il y a un an et demi ou deux ans, sur ça, cet aspect de Coca-Cola, du Mexique. Et on avait un petit peu parlé des disparus de Ayotzinapa, mais vraiment légèrement, mais on n'avait jamais eu affaire au collectif en fait, en lui-même. Voilà. Vous voulez qu'on fasse une petite pause musicale ? J'imagine avec une des chansons que vous aviez sélectionnées, je ne sais pas laquelle, si vous voulez lancer le titre ou l'annoncer. Ouais. Rebecca Lane. On peut commencer par Rebecca Lane et ouais. Desaparecidos, puisque c'est un peu notre combat. Et qu'elle est venue à Paris il y a pas longtemps. C'est parti. Sin cuerpo rondan por las calles de mi pueblo y hoy ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Los secuestraron, nunca más los encontramos, no tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Por todos los asesinados por este sistema de injusticia, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia. Bonjour, bonsoir, vous êtes bien toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, comme tous les mardis de 19h à 20h30, rediffusé, excusez-moi, le vendredi, le matin, voilà, de 8h, de 7h30 à 8h30, c'est pas très grave. Et puis surtout, vous pouvez nous retrouver sur Facebook si vous voulez regarder un peu les podcasts et un peu ce qu'on fait pour connaître un peu notre histoire et puis peut-être aussi nous proposer des émissions, ce serait bien aussi. Alors moi, je voudrais rebondir sur un peu ce que vous avez dit, puisqu'on est avec le collectif, vous allez me rappeler, voilà, sur le Mexique, sur ce qui s'est passé, voilà. Et puis aussi, on parlera de ce fameux salon de l'armement. Alors, moi, j'ai pris dans votre... je vais faire une citation. sur votre site internet, sur votre site, les guerres se vendent par le mensonge, tout comme des voitures, ce sont des opérations de marketing qui ont pour cible l'opinion publique. Voilà, et j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'effectivement, l'idée de cette guerre, c'est au fond de la manipulation, c'est un commerce, et je trouve que ça, c'est, j'ai l'air des mots bien sinistres et cyniques. Je pense que tu as montré le book, là, de 300-400 pages de ce salon, qu'on reviendra, et donc on a parlé un peu de ce qui s'était passé au niveau des 43. Est-ce que tu peux en reparler? Non, mais juste sur l'économie de la violence, effectivement, oui. Je pense que c'est quand même important de relier ce qui se passe actuellement au Mexique à une économie capitaliste qui est en train de jouer sur la peur et de fructifier sur la peur des gens au quotidien, comme on l'a expliqué avant. Parce que, si vous voulez, il y a des formes de contrôle des territoires et de contrôle de la population qui passent par la violence et par les extorsions et par les disparitions, etc. Donc la disparition des 43, elle s'inscrit aussi dans cette économie plus vaste. Sur la question des 43 étudiants, on voulait appuyer sur la version officielle qui a été... rendu public un an après les faits, a parlé d'une vérité historique qui en fait aurait fait que les policiers d'Iguala auraient envoyé les 43 étudiants à des cartels de la drogue, les Guerriers Unis, et que ceux-ci ensuite les auraient jetés dans la décharge, le basurero de Cocula. Et en fait qu'ils les auraient incinérés. Voilà. Et effectivement, on a retrouvé des corps et on a su après, par la suite, par des expertises indépendantes, que ce n'étaient pas les mêmes corps, ce qui veut dire que ce sont d'autres. En tout cas, cette version... D'autant que les corps étaient datés d'époques différentes. Et avaient des degrés de calcination en fait, différents, pour rentrer dans les détails sympathiques. Mais du coup, en fait, ce qui est assez flagrant pour nous dans cette affaire, c'est que aussi le gouvernement, il a toujours une volonté de trouver rapidement des récits officiels et de créer des récits officiels pour... éviter d'une enquête approfondie. Donc tout ça, ça aboutit en fait à une impunité assez nette dans le cas d'Ayotzinapa. On n'a jamais pu enquêter sur les forces de policières et militaires. Là, le 4 juin, il vient d'y avoir une déclaration publique d'ouverture du cas d'Ayotzinapa pour créer une commission de vérité et de justice pour le cas d'Iguala. Et ça, c'est une grande première parce que ça veut dire qu'on va pouvoir aller entrer dans les cartels militaires, donc notamment le 27e bataillon d'infanterie. On va pouvoir faire des entretiens avec les militaires de ce bataillon. Et on va surtout pouvoir montrer du coup la participation donc de l'armée et des forces de l'ordre qui jusque-là étaient complètement écartées en fait de toute enquête. Surtout qu'on n'a jamais entendu les témoignages des militaires qui avaient trouvé les ossements ou les sacs ou ce genre de trucs. C'est plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait on les suspecte d'avoir carrément fabriqué les preuves. Oui, j'imagine. Voilà, parce que effectivement c'est un sachet en plastique qui a été retrouvé dans le fleuve. Oui. Moi j'ai lu un rapport en fait où ils avaient trouvé un sac en plastique dans une rivière, dans un fleuve, avec deux os. Un qui avait clairement identifié un des disparus et un autre qui ne pouvait pas identifier en fait un des disparus, mais qui pouvait se rapprocher par rapport à lui. Il y en a un qui a été identifié, effectivement, c'est le seul qui a été identifié des 43. Ça a été le seul. Et l'autre, je ne sais pas s'il y en a... L'autre, il y avait des concordances génétiques, mais très infimes et très lointaines. C'est le rapport qui fait... en fait, il y a eu deux rapports énormes de plus de 500 pages chacun de RIEI, qui est donc le groupe interdisciplinaire d'experts indépendants, qui ensuite a été justement empêché de poursuivre et expulsé du pays. Le 4 juin, il y a un revirement du gouvernement mexicain ou de la chancellerie, ou je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas. Donc il y a une cour, concrètement c'est un tribunal. Est-ce que c'est suite à toutes les mobilisations qui s'est passées ou C'est une période électorale, vous savez. D'accord, ok. Voilà. Il y a les législatives ou présidentielles? Les présidentielles, d'accord. En juillet 2018. Des législatives aussi après, mais il y a surtout la présidentielle, et donc pour nous c'est assez étonnant aussi, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une commission qui s'ouvre à si peu de temps des élections. Mais encore faut-il, il y a plein de... Pour le moment rien n'est fait, donc on reste prudent. Mais au moins, ça met en question la perrere, donc, qui est l'équivalent du parquet. D'accord. Qui est celle qui avait mené jusque-là l'enquête et qui était pleine d'irrégularités à tous les niveaux, qui a fabriqué les preuves, qui n'a pas abouti les enquêtes, qui a jamais... Enfin bref, qui fabriquait l'impunité, en fait. Voilà, donc c'est un espoir, mais bon, on reste sur nos gardes. Peut-être on pourrait revenir sur les travaux du FIEI, parce que c'est justement... En fait, oui, le RIEI, donc c'est des groupes, le groupe d'experts indépendants. Donc, il y a des experts qui sont venus de l'Argentine. Donc, par rapport à la dictature qu'il y avait en Argentine, ils sont, ils ont toute une expérience en termes de. Une expertise argentine qui était assez neutre et qui montrait clairement qu'en fait, le gouvernement mexicain disait de la merde, entre guillemets. Exactement. Et dès le début, ils ont aussi indiqué qu'il fallait absolument aller fouiller chez les militaires parce que. Il y a aussi des téléphones portables d'étudiants qui ont été géolocalisés dans le cartel. Donc, c'est. Plus dans qu'un la caserne, dans la caserne, voilà, dans, la caserne dans, okay. le, dans la caserne. Donc là, enfin, une implication ou au moins quelque chose qui donne une piste militaire plutôt qu'une piste narcotrafiquante. D'ailleurs, les familles ont tenté à plusieurs reprises. Ils ont été mobilisés là-bas, etc. Et à chaque fois, ça a été une répression assez assez ferme, quoi. Donc dès qu'on touche à l'armée, c'est très compliqué. Surtout la marine. Comme on a dit au début, en fait, là, on parle de Ayotzinapa. Mais c'est tout le Mexique qui est dans cette situation-là, quasiment. Comment ça se passe au niveau, pour les mobilisations qu'il y a là-bas, que ce soit autour de Ayotzinapa ou d'autres choses? J'imagine qu'il y a des liens, qu'il y a des choses qui sont faites. Mais justement, enfin, on parle souvent de l'iceberg d'Ayotzinapa, parce que c'est en réalité plus de 35 000 disparus aujourd'hui. Et 35 000, c'est les chiffres officiels. 35 000 déclarés. Déclarés, voilà, c'est-à-dire... D'accord. C'est énorme. Sans compter les morts, hein, puisque les morts... Combien de victimes ? 237 000. Chiffre officiel. Attends. En chiffre officiel pour aussi. Pour dire ça clairement, 237 000 décès de morts. En 10 ans. De morts de cause inconnue, violente, mais inconnue la cause, on est d'accord. Et 35 000 disparus, déclarés, dont on n'a pas de nouvelles. Voilà, c'est et sachant que les disparus, en fait, donc quand quelqu'un disparaît... Mais juste, je vais encore insister... Parce que 235 000, c'est quand même beaucoup. Plus 35 000, ça fait quasiment 260 000. Oui, c'est énorme. Combien la population du Mexique ? 120 000. Oui, 120 millions. Parce que même sur 120 millions, c'est quand même un chiffre extrêmement impressionnant. Oui, oui. On se croirait en temps de guerre. C'est le pays en 2017, ça a été le pays le plus violent, où il y a eu le plus de morts, en fait. Et c'est le pays aussi où on tue le plus de journalistes. Par rapport aux chiffres des journalistes, rien que cette avec année... Avec 270 000 morts, j'imagine qu'il peut y avoir quelques journalistes de tués dedans. C'est 7 journalistes qui sont assassinés depuis le début de l'année. 7 journalistes, ça fait 42 sous le... 43 maintenant, parce qu'il y en a eu un la semaine dernière. 43 pendant le gouvernement de Enrique Peña Nieto. Donc, en fait, c'est un des pays au monde, le premier ou le deuxième, en nombre d'assassinats de journalistes. Et surtout, où il y a une impunité totale, puisqu'il y a 99% d'impunité, en fait, de cas qui sont jamais... Qui n'aboutissent pas. Il n'y a pas d'enquête. Pas d'enquête. Et donc, oui, par rapport aux chiffres, en fait, sur la question des disparus, c'est 35 000 officiels. C'est-à-dire que les familles n'osent plus aller déclarer la disparition d'un proche parce qu'en fait, c'est... Ils ont peur de la pression du commissariat local. Il y a des représailles, il y a du racket. Enfin, c'est sans fin. Elles sont stigmatisées. Elles passent pour... Enfin, on leur dit, si ta fille a disparu, c'est sa responsabilité. C'est de sa responsabilité. Non, on n'est pas. Elle a fugué ou alors, c'était. Enfin. Bref, comme ils trouvent. On dit fois pire qu'en France. En fait, ils évitent de prendre des plaintes des gens pour éviter de monter les chiffres et les statistiques. Grosso modo, c'est ça. On est d'accord. Et puis surtout, ils vont encore parce que par exemple, on a retrouvé votre fille. Venez. Enfin, ils se font passer pour. C'est eux qui vont. Pour des gens qui font leur travail avec probité et tout ça. On a retrouvé votre fille, elle est décédée, alors que c'est lui-même qui l'a tuée, par exemple. C'est ça que tu voulais dire ? Non, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, ils vont avoir toutes les données de la famille, ils vont faire leur enquête, etc., puis ils vont se faire passer pour le criminel qui a enlevé la personne, et ils vont dire, elle est vivante, elle est à tel endroit, venez avec telle somme d'argent, les rançons, enfin des demandes de rançon, quoi. Voilà, et c'est. Il y a des cas qui se sont avérés vraiment comme ça, où on a découvert que c'est des policiers qui étaient derrière. Tout le monde le sait, mais il n'y a pas de cas suivi. C'est ce qui est dit là-bas, en fait. Mais tout le monde sait, souvent les gens savent qui sont leurs bourreaux. Moi, enfin, dans le Guerrero. Moi, j'ai connu des familles qui me disaient, il est là, alors soit c'est un militaire, soit un ancien militaire, soit c'est un ancien narco, enfin, ou le narco puissant du coin, et tout le monde sait qui sont les bourreaux qui ont fait disparaître ou tuer leurs proches. Il y a des familles qui ont des preuves avec des vidéos où on voit le matricule de la voiture de police en question qui enlève et fait disparaître. Et c'est... le chiffre, en fait, les familles parlent de chiffre noir, parce qu'en réalité, ce serait... Plus de 80 000 disparus, même bien plus encore. Quoi. Et du coup, j'ai du mal à imaginer. Parce qu'on se dit que c'est un pays avec des élections, des partis, tout ça, ouais. Avec une pluralité politique. On se dit aussi que c'est un pays peut-être avec une pluralité de presse à l'image de la France. Oui. J'entends bien ce que je dis par pluralité de presse ou expression. Comment c'est traité en fait, par ces hommes politiques et par ces médias? Parce que 235 000 décès violent plus 35 000 disparitions déclarées, c'est quand même quelque chose qu'on peut pas cacher comme ça en fait. On peut pas dire qu'il y a pas de problème. Dire qu'il y a un problème. En fait, déjà on pourrait mettre en cause cette affirmation d'une pluralité des presse, mais vraiment la remettre en cause parce que les gouvernements dépensent plein de millions de dollars pour acheter de la pub dans les principaux journaux du Mexique. Pour que comme ça, ils ne sont pas critiqués. Donc, par exemple, des journaux à gauche, la presse écrite et aussi sur l'Internet. Okay. Donc, c'est vraiment... Il y a des cas très marqués de la censure. Par exemple, un journaliste très connu, Carmen Aristegui, qui avait dénoncé des cas de corruption vraiment graves qui impliquaient pas seulement les présidents, mais plusieurs ministres, et aussi qu'elle a montré quand les maintenant président Enrique Peña Nieto il faisait sa campagne, il avait reçu de l'argent du narcotrafic, et donc elle a montré ça et il était viré dans le média privé apparemment autonome. Donc si on sait que les gouvernements est en train de donner directement les directions pour comment est-ce qu'il faut couvrir les cas de la violence, on arrive à ce qui s'est en train de se passer depuis 2006, que c'est une revictimisation des victimes, c'est-à-dire qu'ils sont présentés toujours comme des criminels, comme des personnes qui étaient liées au narcotrafic. Là, tu parles des victimes. Deux victimes du narcotrafic, ils sont... qui sont décédés, les 235 millions, exactement. Pour eux-mêmes des trafiquants, exactement. Ça par exemple, il y a eu même un cas important à Monterrey, ou deux victimes, deux garçons qui étaient tués par l'armée en 2007, si je me souviens correctement, mais c'est au début de la guerre contre les drogues, deux étudiants universitaires qui étaient tués et qui l'armée, il a modifié les corps pour mettre des armes sur eux. Et donc comme ça, on n'est pas en train de faire des enquêtes sur la violence d'État, parce que c'est trop facile dans un pays vraiment raciste et classiste, c'est trop facile de dire que c'était des gens liés au narco, ou que c'était des gens pauvres, etc. Et c'est pour ça qu'on pense que les cas d'Ayotzinapa a fait un peu mettre dans l'espace public et dans les débats publics cette question très, très pressante. Ouais, justement, moi j'avais une question et tout, si je peux me permettre. C'est justement depuis 2006, les ressources militaires... de l'armée mexicaine ont doublé et que le gouvernement affirme que c'est une des priorités de moderniser l'armée mexicaine. Et du coup, il y a toute une circulation des armes qui dépasse le cadre de l'armée et qui est assez inquiétante. Je pose cette question aussi pour faire le lien de pourquoi vous avez participé à la mobilisation contre le salon de l'armement Eurosatory. Mais voilà, c'était un peu ma question quoi, sur le fait que l'armée mexicaine se renforce encore plus. Quoi. Si vous pouvez en parler un petit peu. Après, on fera une petite pause musicale ou quoi. En fait, on a effectivement, depuis 10 ans, l'armée mexicaine veut se sophistique et se modernise pour lutter contre le narcotrafic. Ça, c'est la version officielle des gouvernements. C'est pour ça que tout l'enjeu du gouvernement mexicain, c'est d'extérioriser la violence, de dire que ce sont les narcotrafiquants, c'est des règlements de compte entre narcotrafiquants. Et évidemment, l'État, c'est tout bénef, il n'a aucune responsabilité dans tout ça. Du coup, effectivement, il y a plein de nouvelles technologies qui sont en train d'arriver au Mexique et on va du coup pouvoir en parler avec le Rosatory. Et qui équipe l'armée mexicaine, notamment la marine, parce que elle a été considérée comme la moins corrompue par le gouvernement mexicain, et donc elle a été, ces chiffres ont doublé. Là, je les ai pas. Le gouvernement mexicain arrive à savoir quelle arme est corrompue ou pas dans son propre pays. Non, alors dans le cas d'Ayotzinapa, il s'est passé un truc assez simple. C'est tout l'enjeu du procès dont on va parler tout à l'heure, du procès des Allemands. Mais c'est qu'en fait, l'Allemagne vend des armes au Mexique, à l'armée mexicaine. Et ensuite, l'armée mexicaine les fait circuler dans le pays, notamment dans les États qui sont censés ne pas recevoir d'armes allemandes. Les États mexicains, les régions mexicaines. Les États fédérés, puisque c'est un État fédéral. Donc il y a des États. Donc voilà. Et donc il y a quatre États dans lesquels ils ne sont pas censés recevoir d'armes de l'étranger, notamment des Allemands, et où on a retrouvé, dans le cas d'Ayotzinapa, on a retrouvé des armes allemandes. Mais on en reparle peut-être. Enfin, je sais pas, vous voulez qu'on en parle tout de suite. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mais juste, tu as dit la phrase, le gouvernement mexicain jugeait que la marine était la moins corrompue. Ouais. C'est ça que j'ai pas compris en fait. Bah, par rapport à la police fédérale, par rapport à la police rurale, par rapport à l'armée, à la terre. Je veux dire que le gouvernement mexicain reconnaît que sa police. Oui. Son armée de terre et son armée de l'air sont enfin, totalement reconnaît. Corrompues. Il n'y a pas de déclaration officielle. C'est reconnu, par exemple, la police fédérale, c'est une des polices reconnues comme les plus corrompues, bon, aussi par les organisations internationales, hein, pour le coup. La police fédérale, c'est un petit peu quoi ? Comme le FBI, genre un truc qui se débarque dans tous les États. Bah, c'est la police... c'est comme la police nationale, parce que c'est... Elle a autorité sur n'importe quel État. Voilà, c'est la... Et du coup, il y a des polices d'État, j'imagine ? C'est ça. Et des polices, locales, municipales. Et du coup, j'imagine, quand tu disais qu'il y a quatre États qui n'ont pas eu d'autorisation pour avoir ces armes, ça devait être la police d'État, c'est ça ? C'était la police. C'était en fait, c'est pas les. En fait, c'est les États d'une manière générale qui n'ont pas le droit de recevoir et de faire d'accord pour recevoir des armes. Selon les textes oui, européens et allemands aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, comme tout commerce, l'industrie de l'armement a ses propres règles, bien qu'elles soient systématiquement violées. Et bien parmi ces règles, c'est on ne peut pas vendre des armes. D'usage militaire ou des armes comme enfin, voilà lorsque enfin dans une région où les droits de l'homme sont systématiquement violés. Or non, les pays, c'est d'abord au niveau du pays, enfin au niveau de la fédération. Le Mexique en principe ne devrait pas pouvoir acheter. Pourquoi ? Parce qu'il y en a les experts internationaux qui ont fait leur travail et qui ont montré que le recours à la torture ainsi qu'à des pratiques le recours à la torture est une pratique systématique et plein d'autres choses qui montrent que le Mexique est un pays où l'on viole les droits de l'homme de façon systématique. Du coup, normalement, on ne remplit pas les critères. Pour le Mexique, au niveau il devrait. Ouais, sauf qu'il s'est appliqué cet embargo, mais il s'est appliqué un peu tard. Et non pas, il s'est appliqué. Enfin, l'Allemagne a décidé de ne plus vendre des armes au Mexique en 2011, si je ne dis pas de bêtises, les filles. En 2011, ouais. Et pourtant. On a retrouvé en 2014 des armes dont l'origine était allemande aux mains des mêmes personnages qui ont disparu la nuit d'Iguala lors de cette opération de répression policière où nos camarades ont été disparus. Je ne sais pas si... Ouais, on a compris que ça être des armes de 2011. Oui, peu importe, mais en tout cas, si on fait le zoom sur la fédération, non seulement le Mexique ne devait pas avoir ses armes, mais surtout il y a des États, parce qu'une fédération ça marche comme ça, non ? T'as d'abord la fédération et puis après les États. Puis après il y a des États, en l'occurrence, où il faut encore moins. Et là on parle de Chiapas, du Guerrero, du Chihuahua et du Tamaulipas. Jalisco. Les quatre États ? Guerrero, on fait partir à Yucatán. Ouais, si on va faire le somme sur ce cas-là, cette polémique de contrebande d'armes entre l'État allemand et l'État mexicain, parce que c'est un peu ça dont il s'agit, on va développer plus. Je fais là, c'est beaucoup d'États du sud du Mexique. Le Chihuahua, c'est la frontière avec les États-Unis. D'accord. Et c'est l'un des plus violents aussi. Et les trois autres qui sont plus au sud. Ouais, les trois autres qui sont plus au sud. Et bien, rien ne devrait. Les armes ne devraient pas avoir été

Ouais, bah on peut peut-être juste finir sur le cas des Allemands parce que ça permet de bien comprendre aussi. Faire c'est le que, lien. En fait, la compagnie Eclair Encore, donc. Se trouve dans ce salon de l'Eurosatory, qui est donc le plus grand salon international d'armement dans le monde. Et donc, cette entreprise, cette compagnie allemande, est celle qui a vendu illégalement les fusils G36 au Mexique, qui ont été ensuite retrouvés à Ayotzinapa. Voilà. Et donc, ils ont vendu pour 4 millions d'euros des fusils d'assaut, qui ont terminé donc, dans les mains des soldats la nuit du 26 septembre 2014. Du coup, c'est en fait, nous, on veut rendre sensible à cette question parce que c'est quand même dans ce salon de l'armement qu'on est en train de vendre les nouvelles technologies à la pointe et on vend pour des millions, voire des dizaines de millions d'euros, les armes dernier cri pour favoriser l'économie juteuse de la violence, quoi. Voilà. Et du coup, là, juste pour le finir sur la question allemande, il y a quand même un point important à dire, c'est que c'est pour la première fois, il va y avoir un procès, il y a un procès en cours. Et donc, nous, on veut aussi dénoncer ça dans le collectif, c'est que la justice allemande va juger les anciens employés de l'entreprise, de la compagnie allemande Eclair Encore. Et donc, il y en a 6 au total, qui sont 5 haut placés dans l'entreprise et un Mexicain qui avait déjà participé à des violences dans le conflit armé au Chiapas. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, c'est pour la première fois, en fait, on va avoir un jugement. Voilà. Sur de la corruption. Bah là, c'est plutôt une vente légale. Donc, c'est pas de la... Une vente légale ou pas? Parce que normalement, il y a un embargo qui devrait être sur le Mexique. Voilà, c'est ça. Oui, elle est illégale, en réalité. Mais elle a été faite, effectivement, en contournant les lois qui interdisent... Et ce procès, il y a une date de procès en Allemagne ou pas du tout? Elle vient de commencer là le 15 mai. Le procès vient de commencer le 15 mai. Le procès a commencé le 15 mai. Et c'est en fait un activiste allemand et journaliste qui s'appelle Jürgen Grasslin, qui en fait enquête depuis 2010 sur les exportations allemandes d'armes. Et en fait, il a reçu lui-même l'info d'un témoin qui était dans la compagnie allemande. Et ils ont écrit, il y a eu des documents, il y a un livre noir du commerce des armes qui a été publié grâce à cet activiste, en fait. Et c'est lui qui a mis en lumière toutes ces sommes, toutes ces ventes d'armes des toutes Allemands. Ces collusions. Et pourquoi Eurosatory maintenant? Y a-t-il une importance au Mexique? Ou la France a peut-être une importance militaire au Mexique? Alors il y a cette compagnie, donc d'une part... Vous savez qu'il y a une tradition depuis Napoléon? Oui, il y avait déjà la gendarmerie impériale quand Napoléon est arrivé au Mexique. Et puis ça a continué avec De Gaulle, avec Hollande. D'ailleurs, François Hollande avait invité Peña Nieto pour le défilé du 14 juillet, juste peu de temps après la disparition des 43. Donc là, c'était... clairement, les droits de l'homme, on s'assoit dessus, quoi. Et puis on signe des petits contrats d'armement, des ventes d'hélicoptères, par exemple... Et là, ça continue. Il y a aussi en fait, EPN, son grand rêve, c'était de former une gendarmerie nationale mexicaine à l'image de la gendarmerie de la gendarmerie française. Donc, la France forme des gendarmes mexicains, justement, pour intervenir sur la lutte contre le narcotrafic. Et depuis 2015 à 2018, au-delà de la vente d'armes, il y a aussi une vente de formation. Donc, c'est un gros business pour la France. Et il y a 36 cours qui ont été donnés depuis 2015. Alors, des cours à la fois de théorique et pratique. Donc voilà, c'est toujours des termes de toute façon assez vagues pour montrer que... C'est important parce que c'est quand même un État qui a été condamné pour des tortures, ouais, des crimes. Ouais, des... C'est, ouais. Et justement, c'est... Un embargo militaire et sécuritaire. Et la France... forme. Et le dernier cours a eu lieu en avril 2018. En avril 2018, c'était la clôture des derniers cours, avec en plus des remises de médailles, les chefs mexicains qui reconnaissent le lourd travail de la gendarmerie française, etc. Donc, ils les forment, ils les habilitent. Et il y en a certains qui sont venus au début de l'échange en France, qui ont été formés à Châteaulin, en Bretagne, et qui ont fait la même formation que les gendarmes en France. Puis ensuite, ce sont des Français qui se sont rendus au Mexique pour former les Mexicains là-bas à de multiples reprises, du coup. Donc voilà, c'est quand même... Bah oui, c'est le Mexique est dans l'œil de l'ONU pour les cas de torture. Et surtout, en fait, donc la gendarmerie en France, ça fait partie des militaires. Oui. Au Mexique, comme c'est national, c'est une antenne de la police fédérale. Donc la police nationale mexicaine. Donc, c'est qu'elle est reliée à la police et pas à l'armée. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans cette question, Camille, c'est qu'en fait, même si on doit penser que c'est sous la direction d'un pouvoir civil, parce que c'est le gouvernement, en fait, la majorité des membres de la gendarmerie sont des anciens militaires ou des personnes qui ont eu en formation des guerres. Donc voilà. C'est un pas encore dans la militarisation de la sécurité publique que Peña Nieto a décidé de prendre pour essayer de se démarquer de l'ancien président. Mais en fait, ce sont des gens qu'on a en formation pour tuer, pas pour protéger les gens. Il y a un parallèle en France, en fait. Après toutes les guerres coloniales, les anciens de la guerre d'Indochine, les anciens de la guerre d'Algérie faisaient partie de la police, qui a donné une très belle police raciste. Exactement. Mais d'ailleurs, quand on parle de la coopération policière franco-mexicaine, les techniques de contre-insurrection, la spécialité française, a été appliquée à plusieurs reprises au Mexique. Le cas du conflit armé au Chiapas, voilà. C'était clairement une contre-insurrection qui formait des paramilitaires. Là, c'est un peu plus net quand même, il y a plus de présence de soldats et de forces de l'ordre, mais ça reste la même logique. Ouais. Oui. Dans la lutte contre le narcotrafic, il y a un déplacement de la logique contre-insurrectionnelle dans la lutte contre le narcotrafic. Quoi. Et c'est vrai qu'on disait que la France avait développé ce que tu disais, Mustapha, c'est que c'est une technique qui a été développée notamment au moment de la bataille d'Alger, donc pendant la guerre d'Algérie, et que c'est clairement la technique de la guerre contre-révolutionnaire a été développée par des généraux français qui l'ont exportée ensuite à travers l'Amérique latine pour réprimer les révolutions, notamment. Quoi. Ouais, dans les écoles militaires latines pendant la période des dictatures. Années 70-80. Et en ce moment, se tient le salon du chocolat. du chocolat. Moi, tu as bien raison. Et on a des bonbons roses. Voilà. Des armes. On a ramené des bonbons, ouais. Des bonbons de oui, Claire Encore. Ils ont l'air très jolis, vos bonbons. Les petits bonbons des armes roses. Les HKG-36 en. Pourquoi ils t'ont donné les bonbons? Parce que je me suis blessée en fait en essayant une arme, parce que figurez-vous qu'on a fait des tests, ils étaient ravis de nous montrer, vu qu'on était les seules femmes, il faut dire que c'est un salon exclusivement masculin ou presque, au moment d'essayer les armes, on était les seules femmes et un homme était ravi et voilà, j'ai pris une arme, je me suis blessée, comme il n'y avait pas de pansement, et il m'a donné des bonbons, enfin il nous a donné des bonbons. Rose. Des bonbons roses, des petits HKG-36 voilà. en sucre. Des G36 en forme de. Et du coup, vous avez eu la bonne idée de vous dire on va foutre un petit peu le dawa dans ce salon, c'est ça? Vous voulez juste regarder par curiosité, identifier des gens? Non, on a filmé, on a pris des photos, on s'est informé, voilà. Des choses tout à fait. Demain, il y a un appel à rassemblement devant le salon, histoire de visibiliser. Alors. On va pas essayer de rentrer dedans puisque de toute façon c'est super sécurisé, il faut des badges, etc. Mais il y a un appel à rassemblement, donc au nom de plein de collectifs variés, il y a eu une tribune publiée sur Mediapart et c'est pas uniquement au nom du collectif Paris Ayotzinapa, c'est la vente d'armes, c'est en général large, en fait, voilà. Vous, on s'associe à la démarche qui a été lancée. Pour faire quelque chose, pour montrer qu'en fait c'est global, quoi. Ça touche le capitalisme à l'état, c'est le sauvage et business, quoi. Enfin, juste pour expliquer aux gens, Eurosatory, c'est quoi exactement? Alors, Eurosatory, c'est le salon de l'armement, en fait. Il y a, je sais pas combien de stands en tout, mais il y a des stands, chaque groupe a ses stands, donc il y a des groupes clairement de vente comme des où il y a les mitraillettes, etc. Mais il y a aussi toutes les nouvelles technologies avec les drones, avec les radars de surveillance, les drones, tous les systèmes de surveillance à la pointe pour faire des guerres à moindre frais humains. Il y a des conférences aussi. Ça part du militaire à la pacification en passant par le sécuritaire, c'est ça? Exactement. Le confort des militaires. J'ai vu qu'il y avait plus de 55 pays qui participaient en général. 1500 entreprises. Entreprises. Et 55 pays qui étaient là-bas. Et d'année en année, il est de plus en plus grand. Enfin, c'est tous les deux ans, c'est une année en France et une année en Angleterre. Et il se développe tranquillement et ça se passe. Enfin voilà, c'est. Ce qui est assez étonnant, effectivement, c'est de voir qu'il présente ça comme. En fait, il nous. C'était ça qui est. Enfin, nous, on en revient là, donc on est un peu sous le choc, mais ce qui était très étonnant, c'était la manière dont il nous vendait les choses. Il nous rendait la guerre sympathique, quoi. C'est-à-dire qu'il nous vantait les mérites de la nouvelle technologie qui permet au GIGN de moins transpirer dans ses uniformes, au casque Scorpion de juste tourner la tête et en même temps de pouvoir tirer directement juste en tournant la tête. Enfin, tout ça, c'est présenté au nom de la modernité, de la vente d'armes dernier cri, et voilà. Et c'est ça qui est le plus flagrant, en fait, enfin, le plus choquant pour nous, quoi. C'est un peu la guerre versus vidéo, etc. Rose, bonbon rose, quoi. Et le Mexique est présent en tant que gouvernement ou en tant qu'acheteur ou avec des multinationales ou avec des entreprises de l'armement là-bas ou pas du tout? Ben évidemment, évidemment. Alors lorsqu'on s'est rendu à Airbus, mais je sais que la gendarmerie mexicaine est passionnée par tout ce qui est fait en France, les uniformes, etc. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je me disais qu'ils allaient être pas loin. Alors, j'ai posé la question à la dame de l'estand de Airbus. Je lui ai demandé s'il n'avait pas vu mes potes mexicains. Elle m'a dit, tiens, oui, il vient de partir il y a une heure. Ah bon, ils étaient combien? Ils étaient 6, habillés dans la tenue de militaire. Je rappelle juste aux gens qui pensent que Airbus, c'est juste des avions pour aller loin avec des voyageurs. C'est aussi 25% de militaires et de sécuritaires, en fait. Oui, Airbus est un grand fabricant d'hélicoptères et d'armes. Donc, dans les stands de l'Airbus, je me suis dit peut-être qu'il y a le contingent mexicain ravi d'acheter avec notre argent des hélicoptères pour nous réprimer. Et en effet, une dame de l'estand de Airbus a bien confirmé que la SEDENA, donc les militaires, venait juste de passer une heure avant moi. Bien sûr, j'étais vénère. Mais bon, au moins, j'ai bien su qu'ils étaient passés. C'était en équipe de 6 personnes. Voilà, je sais ça. Et qu'ils étaient bien. Est-ce qu'il y avait des Iraniens ou des Coréens du Nord? Pardon, mais bien sûr. Alors, le Rosatory, c'est l'endroit où les représentants des grandes dictatures vont faire leur sachet. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'au Mexique, on vend. Ils distribuent leurs cartes. Du coup, l'ONU et les cours d'appel internationaux, tout ce qu'on veut, font des condamnations et demandent des embargos. Bien sûr que non, c'est pour ça qu'on est si révoltés, on est tellement révoltés qu'on n'arrive même plus à s'exprimer. Les gens peuvent se déplacer à acheter au supermarché. Si évidemment, voilà, moi qui est complètement opposante au salon de l'Eurosatéry, moi et ma coloc, nous avons pu faire les démarches comme monsieur et madame tout le monde, nous permettant d'obtenir un badge. Il a fallu quand même qu'on se déguise des psychopathes. Voilà, il y a un petit procès. Enfin, tu n'obtiens pas un badge comme ça, tu t'inscris. Et voilà, mais à partir du moment où tu t'inscris, c'est accès libre et tu peux comprendre. On peut filmer, on peut prendre des photos. Enfin, vous voyez, on y est allé on va visiter une exposition de. Mais après, de là, à signer une commande d'armes et à acheter des armes, il y a une différence. Non, mais c'est là que ça se passe et non pas ailleurs. Le Rosatory, c'est le salon de l'armement le plus important au monde. C'est là que ça se passe, c'est-à-dire que les représentants des États. Donc, le Rosatory, c'est le salon emblématique de l'armement du monde entier. Il n'y en a pas deux Rosatory, il y en a un. Des fois, c'est à Paname, des fois, c'est à Londres. C'est la seule chose qui change. Après, c'est là où les contrats les plus juteux se célèbrent et non pas ailleurs. Donc, et pour ça, il faut bien que les experts en technique aillent dans le salon pour comprendre la nouveauté en technologie. Donc, ils envoient les représentants les plus haut placés, ce pourquoi nous avons la trouille. Parce que, on n'a pas envie de les croiser quand même. Enfin, on sait juste dire. Et voilà, et donc ils font des tests, etc. Et puis après, la commande, ils disent à leur boss, j'imagine, je caricaturise, c'est bon, je veux ça, si tu veux, plus de problèmes. Du coup, aujourd'hui, vous avez pris des photos, vous avez regardé comment c'était, vous avez filmé. On nous a montré comment ça marche, un G36. Et pourtant, on m'a pas. G36. C'est quoi ça? Un G436, voilà, c'est le, je comprends pourquoi c'est le calibre blessée. De... C'est avec une petite arme. Hein, c'est le calibre d'une... C'est dangereux, ça. Et puis le salon, il se tient dans le 93 aussi. Enfin, je pense que c'est important de le rappeler. Ouais, quoi. Demain, il y a un rassemblement qui est déposé ou pas déposé? Autorisé ou pas autorisé? On attend une autorisation. On a déposé. Qui est demandé demain. Il a été déposé, mais 14h. 14h, devant quel pavillon? Devant le parc des expositions. Devant, à la sortie du métro RER B. C'est le pas du RER. En face le salon. Pour rappeler que c'est à Villepinte aussi, je crois, on n'a pas dit la ville depuis tout à l'heure, c'est à Villepinte dans le 93 que ça se passe en ce moment, du 11 au 15 juin 2018. Nous, je sais qu'on avait organisé un truc par rapport à Eurosaturé, c'était en 2010 en fait, il y a eu la tuerie sur le Marmara et tout ça, et du coup ils fêtaient une soirée du côté des Invalides avec des ministres, des patati patata, on avait essayé de foutre le bordel devant cette soirée en fait. Ouais. Ça a un petit peu marché mais sans plus, parce que Eurosaturé c'était niet, c'était impossible de rentrer en masse, et qu'en plus l'année d'avant on était rentré dans le salon d'armement du Bourget, où là on avait foutu vraiment le bordel à 100, on avait bloqué le pavillon israélien et empêché... le fonctionnement du pavillon israélien de pratiquement 14h de l'après-midi jusqu'au soir. En fait. Bah après, c'est vrai qu'il y a plusieurs mobilisations. Il y a BDS qui organise des choses aussi. Enfin, il y a plein de... Il y a eu Adama Traoré aussi, le groupe d'Adama Traoré qui était là ce soir. Juste BDS, tu peux dire ce que c'est BDS ? Alors c'est boycott, désinvestissement, sanctions par rapport à... Enfin, pour boycotter Israël par rapport à... Bah, à l'époque, on l'avait fait avec BDS, en fait. Ouais, voilà. En partie avec BDS. Et, en fait, mais c'était plus des gens de terrain qui le faisaient qu'autre chose. Et effectivement, après, il y a aussi ce banquet. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent en dehors du salon, pour, tous ensemble, tous les vendeurs d'armes. Tous les... Et il y a 2 ans aussi, ça se passait à Bercy. Et il y avait pas mal de collectifs présents sur place pour les accueillir. Effectivement, c'était. Ils vont pas manger tranquille. Enfin, ils passent par une aide d'honneur de collectifs qui savent les accueillir, quoi. Mais là, on attend encore les infos puisque c'est de plus en plus difficile d'avoir le lieu et la date qui change à chaque fois. Mais dès qu'on l'aura, on n'hésitera pas à faire tourner. Vous, en tant que Mexicain, vous espérez quoi? Vous attendez quoi, en fait, de gens comme nous, par exemple, ou comme Camille ou... Bah, à chaque fois qu'on a rencontré en France des, que ce soit les parents, enfin des parents des 43 disparus ou du collectif les autres disparus d'Iguala, en fait, vu qu'au Mexique c'est très difficile de se faire entendre et tout est aussitôt étouffé, on insiste beaucoup sur la pression internationale et donc l'ambassade du Mexique, où ça leur fait très mal quand on parle du Mexique autrement que pour parler des superbes plages. Si on ne parle pas d'Acapulco, ni des Mayas, ni des Aztèques. Ouais, exactement. Foutu, en fait. Donc nous, on veut insister sur la force que peut jouer l'international, en fait, de parler et informer sur ce qui se passe. Et normalement, il y a quand même des textes qui parlent des droits de l'homme, et la France s'assoit dessus tout le temps, et rappeler la France à ses obligations aussi, en fait. Sur votre site, tu as la plupart des documents qui ont été fournis ou mis en avant depuis 2014 avec l'agenda et tout ça. Ils ont un site en fait sur internet. Ouais. Il n'est pas très à jour, mais il est très beau. Pour l'histoire des disparus, il est très complet. Il y a les rapports qui sont référencés, il y a tout ce qui se passe et l'agenda. Sur l'agenda, j'ai vu qu'il y avait l'Eurosaturé, le salon, tout ça. Est-ce que vous avez des dates futures à donner? En septembre, pour le 26 septembre, ce sera les 4 ans de la disparition des 43. Et donc, on organisera un événement à ce moment-là, comme pour commémorer l'anniversaire de la disparition, puisque voilà, tant qu'on ne les aura pas retrouvés, et puis tant qu'on n'aura pas retrouvé les 35 000 autres, il y aura des choses à dénoncer sur la situation au Mexique. Donc, il y a cette date-là à venir. Et puis... pour de sûr, après il y a toutes les infos sur on la essaie commémoration page du 16 juin. Le 16 juin, voilà. La mine Dieng. Donc oui, on s'est associé pas mal à d'autres collectifs qui luttent contre les violences policières. Voilà. Et du coup, la mine Dieng, le samedi 16 juin 2018, il y a un rendez-vous sur au 58 rue des Amandiers, métro Pierre-Lachaise. Et toute une journée avec projection à 11h, une conférence de presse à 13h, à 14h, une marche. Et à 18h, il y a un petit village associatif à l'arrivée de la marche avec des prises de parole et concerts. C'est pas de paix sans justice, c'est le comité Vérité et Justice pour la mine Dieng. Oui, bien sûr, parce que travailler avec eux, pour nous, c'est très constructif, comme travailler avec n'importe quelle collective qui se bat aussi contre la violence policière, parce que ça sert à rien de s'organiser tout seul dans son petit coin. Alors c'est pourquoi on considère, enfin, tout le monde est d'accord sur le point qu'ensemble, on est plus fort. Alors oui, on aimerait bien, enfin, on va On va essayer de contribuer aussi à cette commémoration qui est bien importante. Nous avons des choses à dire aussi. Enfin, ils vont nous donner un petit espace parce qu'après la manifestation, il y aura un village. Oui. Un village, plein de trucs, plein d'espoir. Enfin, et voilà. Donc là, on va être avec notre table de presse, nos bouquins, etc., pour essayer de comprendre. Enfin, pour donner les liens, oui, parce qu'on la a. La police française n'est pas mieux que la police mexicaine. Hein. Enfin. Et on a beaucoup à apprendre de nos camarades qui sont en pied de lutte depuis de nombreuses années. Précisément, cette coalition des luttes, elle est importante parce que tu nous demandais comme Mexicains, qu'est-ce qu'on attend aussi. Bien sûr, on attend que vous critiquiez dans la France les gouvernements mexicains, mais pas d'un point de vue paternaliste, aussi dans le sens de dire que c'est le gouvernement français qui est en train de nourrir cette criminalité. Donc, de demander... une critique vers le gouvernement de Macron, néolibéral, etc. Et c'est pour ça que nous aussi, on est intéressés à collaborer avec les luttes qui dénoncent toute cette coalition qui commence dans l'Europe et dans les États-Unis et qui a ses déchets et ses pires violences dans le Mexique. Et donc demain, 14h, devant le parc des expositions Oui, parce que ce qui est bien, c'est que ce rassemblement devant l'Eurosatory doit justement permettre la convergence de lutte. Parce que ben, y a aussi les armes qui sont à l'Eurosatory. Des mains sont dans les mains de l'Arabie Saoudite, enfin, voilà, la Palestine. Enfin, voilà, quoi, c'est mais pas déjà même ici en France. Ouais, parce que oui, je veux dire, au-delà des quartiers, au-delà des cités, ou voilà. De personnes à problème ou pas, on s'en fout. Oui. La situation est économiquement très peu tenable en France. Exact. Vraiment très tendu. Il y a une militarisation de la rue en France qui se fait depuis 15 ans, exact. Qui est de plus en plus accrue. Les choses qu'on voyait aussi, quand j'étais petit. Oui, c'est pour ça que cet appel est large. Pardon. Cette militarisation de la ville, elle est aussi très importante au Mexique où une entreprise française, dont les 25% de l'entreprise est propriété du gouvernement de France, c'est elle qui a installé toutes les caméras de surveillance dans la ville du Mexique. 15 000 caméras qui était installé avec un contrat des millions de dollars. C'était 200 millions de dollars qui ont été pris par le gouvernement français pour surveiller la ville de Mexique. Et on sait tout que surveiller, ça veut dire surveiller les précaires et pas pour protéger les riches. Mais en plus, ces caméras ne servent strictement à rien. C'est des échecs dans toutes les grandes villes avec des gabegies financières. Bon, ça sert à faire de l'argent pour ce type de pays. Oui, pour les ça sert à encaisser de l'argent, mais en fait, c'est vraiment... même à Londres, ils commencent à se poser la question de savoir ce qu'ils vont faire avec leurs caméras parce qu'elles leur servent vraiment à rien. C'est assez inouï. Mais juste pour rappeler, excuse-moi, Mustapha, que tu parlais du salon de l'armement qui se tient à Villepinte, là, donc. Et en fait, ça soulève plein de questions. C'est-à-dire que ce que tu disais, qu'il y a une militarisation de plus en plus importante de la police et qui va être subie aussi dans les quartiers populaires ici. Toutes les technologies qui vont être mises en vente à Villepinte, elles servent aussi à renforcer le contrôle aux frontières, donc, où l'Europe est un champion... de ce qu'on appelle l'Europe forteresse, c'est-à-dire d'empêcher les gens de passer sa frontière, ce qui a une conséquence criminelle quand on voit que la Méditerranée est aujourd'hui un cimetière. Toutes ces technologies qui vont permettre de fermer les frontières, elles se vendent aujourd'hui à Villepinte. Donc ça, il faut le rappeler aussi. Et aussi que la France, elle tient un rôle très important dans le fait que ces armes, elles ont été testées sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que la France les a testées au Sahel, en Centrafrique, dernièrement, en Libye. Et elle peut dire, voilà, mes rafales, je les ai testées ici. Mes jeeps, je les ai testées dans le Sahara. Toutes les opérations extérieures, qu'on dit plus la guerre, on dit opérations extérieures françaises à l'étranger, servent à ce business de vente d'armes. C'est la même chose avec Israël, qui est un État colonialiste aussi, qui peut dire, voilà, toutes nos technologies de maintien de l'ordre en termes de menaces terroristes, vouloir lutter contre le terrorisme, bah nous, les Palestiniens, pour nous, c'est des terroristes, et voilà ce qu'on leur fait. C'est-à-dire qu'on... Regardez les checkpoints qu'on met en place dans nos villes, toutes les techniques de guerre contre-insurrectionnelle aussi, on les a testées, voilà les armes qu'on utilise, on les a testées sur le terrain. Et aujourd'hui, tout ça, ça se vend à Villepinte. Donc c'est pour ça que bon, aujourd'hui, on a trouvé ça super intéressant de vous donner la parole. Parce que, mine de rien, par rapport à il y a deux ans, vu que ça se tient tous les deux ans, il y a de plus en plus de collectifs, j'ai l'impression, qui participent à la mobilisation contre ce salon, mais c'est encore pas assez. Et on est encore trop faible par rapport à eux, quoi. Et donc voilà, bon, pour rappeler, c'est du 11 au 15 juin à Villepinte. Et demain, il y a une manif à 14h devant le salon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Là, il nous reste 2 minutes. Si vous avez envie de dire des choses, vous pouvez les dire en moins de 2 minutes. On ne peut pas se permettre de rendre l'antenne ce soir trop tard parce que mardi dernier, on l'a fait. Je vois, il y a des changements, des espèces de... Vous avez quoi à dire ? Je pense qu'on pourrait conclure avec cet appel, parce que cet appel est large. Comme le Mexique, comme le collectif Paris Ayotzinapa a ses propres raisons d'y être, je suis sûre que dans l'Hexagone et dans Paris entier, ils ont ses propres raisons. Il faut qu'on soit fort demain devant cette industrie de l'armement. Je ne pourrais pas conclure sur autre chose que sur... En tout cas, ça tient à cœur et ça se sent. Ah, complètement, c'est du 11 au 15, on passe qu'à ça. Ouais, non, mais c'est ça, sur l'élargissement des droits militaires dans la sphère civile, c'est quand même une question hyper préoccupante en France aussi, avec l'état d'urgence qui est rentré dans le droit commun. Donc voilà, je crois que les ponts, ils sont assez faciles à faire. Après, on est très préoccupés que si peu de gens en aient parlé, on n'en a quasiment pas parlé de ce salon cette année. Donc merci de nous avoir donné la parole pour parler de ça. Non, voilà. C'est nous qui vous remercions d'en avoir parlé, surtout. Ouais. On va se quitter tout de suite sur un son où je sais pas. On se retrouve tous les mardis de 19h à 20h30 en direct sur 106.3 FPP, Fréquence Paris Pluriel, l'émission Au plus près du radiateur, qui est retransmise le vendredi de 7h à 8h30. Merci, bonsoir et bonne écoute. Monsieur l'inspecteur, moi je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Tous les mardis à 19h. Yeah. Vous écoutez l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3. Non, truc de dingue, truc de malade, truc de psychopathe, truc de fée, truc de strong. Au fond près du radiateur. On doit continuer le combat contre le racisme, contre la violence policière, contre le travail qui nous tue, contre le chômage, contre la dégradation des quartiers populaires. La seule alternative pour nous, c'est la lutte. C'est la lutte. C'est la lutte. 106.3. Radio fond près du radiateur. On ira jusqu'au bout. La force du travailleur. Voilà. Nos passaranes. Grève générale. Rien d'autre. Et il faut qu'on soit déterminés dans nos actions. Et on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. Et si on est tous ensemble, on va y arriver. C'est pas eux qui vont décider notre vie. C'est pas eux qui vont décider notre vie. Yo, au front près du radiateur, man. Tous les mardis soirs, 19h, FPP 106.3 FM. Ha! You want me to hide all my feelings? The revolutionaries, you know? You're in the smash ever as a revolution.